Le père de Sainte Thérèse par Céline. Le chef de famille et l'éducateur. Non seulement mon père, dans sa jeunesse, mais aussi ma mère avaient désiré entrer dans la vie religieuse. Leurs aspirations déçues, ils s'orientèrent tous deux vers l'état du mariage, mais en mettant dans leur union le maximum d'esprit chrétien. Après avoir vécu de longs mois comme frères et sœurs, ils souhaitèrent avoir beaucoup d'enfants pour les donner au Seigneur, voie dans laquelle ils encouragent à leur confesseur et directeur. On sait l'édification du vicaire qui baptisa la première née, quand mon père traduisit ainsi son bonheur. C'est la première fois que je viens ici pour un baptême, mais ce n'est pas la dernière. Il y revint, en effet, 9 fois, c'est à chacune d'elles, qu'à l'intérieur du boîtier de sa montre, il gravait le nom et la date de naissance de ses enfants bien-aimés. Entre nos parents, parfait accord de cœur et de pensée. Mon père nous parlait souvent de notre Sainte Mère, comme il l'appelait. Celle-ci, de son côté, écrivait à son frère : « C'est un saint homme que mon mari, j'en souhaite un pareil à toutes les femmes. » Note, 1er janvier 1863. Dans sa correspondance au même, on lit encore, relativement à M. Guérin, leur vieux père : « Tu le sais, notre père est excellent, mais il a maintenant certaines petites manies de vieillard. Il faut que ses enfants les supportent, et j'y suis toute décidée. Suggère-lui de ne pas reprendre de domestique et de venir demeurer avec nous. Mon mari se prête à cette combinaison. On n'en rencontrerait pas un sur 100 qui soit aussi bon que lui pour un beau-père. » Note, 8 novembre 1886. Toujours admiratrice de ses qualités, elle souffre de son absence et termine ainsi une lettre adressée à Paris, où il était en voyage d'affaires. « Je suis si heureuse aujourd'hui à la pensée de te revoir que je ne puis travailler. Ta femme qui t'aime plus que sa vie. » Note, en 1899. Une autre fois, c'est de Lisieux qu'elle lui écrit. Elle est chez son frère avec ses deux aînés, en partance pour le bord de la mer et fêté de toute façon. 31 août 1873. Les enfants sont ravis, mais moi je suis dure à la détente. Rien de tout cela ne m'intéresse. Je suis absolument comme les poissons que tu tires hors de l'eau. Ils ne sont plus dans leur élément, il faut qu'ils périssent. Cela me ferait le même effet si mon séjour devait se prolonger beaucoup. Je me sens mal à l'aise, ce qui influe sur le physique. Je te suis en esprit toute la journée. Je me dis, il fait telle chose en ce moment. Il me tarde bien d'être auprès de toi. Mon cher Louis, je t'aime de tout mon cœur, et je sens encore redoubler mon affection, par la privation que j'éprouve de ta présence. Il me serait impossible de vivre éloigné de toi. En juillet 1871, au moment de venir habiter la maison de la rue Saint-Blaise, où Thérèse devait naître, elle exprime ainsi sa satisfaction. « Nous sommes parfaitement logés. Mon mari a fait arranger la maison tout à fait bien pour que je m'y plaise. » Et plus tard, quand, après une consultation, le docteur ne lui a pas caché la gravité du mal qui doit l'emporter, elle écrit « Mon mari ne peut se consoler. Il a laissé le plaisir de la pêche, monter ses lignes dans le grenier, ne veut plus aller au cercle vital, il est comme anéanti. » Note, 17 décembre 1876. Leur union si complète était spiritualisée, tout orientée vers la pensée de la vie éternelle. On en jugera par cette remarque faite à l'occasion de la maladie de notre sœur Léonie. Celle-ci, dans ses 2 premières années, fut presque toujours entre la vie et la mort. Avec l'appui de notre tante visitandine, sœur Marie d'Ozité, on sollicita l'intervention de la bienheureuse Marguerite Marie. Si elle doit devenir une sainte un jour, dire alors nos parents, guérissez-la. L'amélioration presque immédiate récompensa leur foi. Rien d'étonnant que sa sainteté Pie XII faisant écrire à Mère Agnès de Jésus à propos de l'histoire d'une famille, et louer ce livre qui décrit et ressuscite en quelque sorte cette admirable vie de famille, et propose au foyer d'aujourd'hui un exemple bien susceptible de les stimuler dans la pratique intégrale des vertus chrétiennes. En relisant ma déposition au procès apostolique pour la béatification de notre sainte petite Thérèse, je retrouve ce témoignage sur mon père. Autant il était dur pour lui-même, autant il nous aimait. Son cœur était d'une tendresse exceptionnelle. Il ne vivait que pour nous. Il n'y a pas de cœur de mère qui le surpasse. Avec cela, sans faiblesse. Tout en lui était réglé et juste. Thérèse dit de son côté, dans son manuscrit, qu'après la mort de notre mère le cœur si tendre de papa avait joint à l'amour qu'il possédait déjà un amour vraiment maternel. On s'en rendait compte à l'extérieur et Monsieur le chanoine Lepelletier, curé doyen de Saint-Étienne de Caen, ancien vicaire de la cathédrale Saint-Pierre de Lisieux, qui fut, comme je l'ai dit, le confesseur de notre père, nous écrivait en 1910. J'aime à me rappeler souvent les instants passés au buissonnet avec le père si saint et ses filles si chéries. Voici un exemple, entre plusieurs, de la sollicitude qu'il avait pour nous, dès le berceau. Né après la mort de mes deux petits frères, on ne voulait pas m'éloigner de la maison, et je fus confiée à une nourrice, à Alençon même. Cette femme était d'un ordre et d'une propreté remarquable. Cependant, papa se tourmentait et passait à dessein devant la maison de cette personne. Je n'avais que quelques semaines quand, m'ayant entendu crier à outrance, il entra et me trouva seul dans mon berceau. Il chercha dans les environs, s'informa près des voisines. La nourrice était à boire. Il apprend ainsi qu'on la trouvait souvent ivre et qu'elle ne me donnait pas le nécessaire. Déjà chétive, je mourais de misère. On me retira aussitôt et je fus envoyé à la campagne, cette fois chez une brave femme, mais après mille péripéties, ce qui faisait écrire à ma mère, j'ai eu tant de mal autour de cet enfant que je sens que je m'use. Il suffit de lire les lettres de cette dernière pour se rendre compte à quel point il avait à cœur de la seconder dans sa tâche, soit qu'il se mit en marche, dès 4 heures du matin, à la recherche d'une nourrice pour un bébé malade, soit qu'il accompagna, à 2 lieues d'Alençon, par une nuit glacée, au chevet de son premier petit Joseph, ou encore qu'il se fit garde malade près de son aînée, Marie, atteinte, à 13 ans, de fièvre typhoïde. Cette tendresse dévouée se manifesta avec éclat lors de notre départ pour Lisieux. Après la mort de notre mère, en effet, une question bien importante se posa pour lui au sujet de ses 5 filles dont l'aînée avait 17 ans et la plus petite 4 ans et demi. Plusieurs, même son directeur de conscience, lui conseillèrent de nous mettre toutes en pension. Il avait d'agréables relations dans la haute bourgeoisie alençonnaise et ses amis le dissuadaient de s'éloigner de cette ville. N'était-il pas trop âgé, du reste, pour renoncer à toutes ses habitudes, s'imposer un tel déracinement, avec un changement de vie total. Mon oncle Guérin, avec son franc-parler, l'intimidait un peu, lui si simple naturellement. C'était introduire le patriarche dans un tout autre milieu. Mais l'amour de ses enfants primait tout chez lui, il leur voulait du bien, leur plus grand bien, sans mettre le sien en balance. C'est pourquoi, après avoir consulté ses aînés, il prit la résolution de venir habiter Lisieux, afin de nous rapprocher de la femme de mon oncle, un ange de douceur et de paix. « Je vous demande votre avis, mes enfants, dit-il, car c'est uniquement pour vous que je fais ce sacrifice, et je ne voudrais pas vous en imposer un. Plus tard, je désirais savoir pourquoi, malgré les instances qui lui furent faites, il se décida à quitter Alençon. Il me répondit qu'il voulait nous soustraire à l'influence trop mondaine de quelques familles amies et aux idées libérales des autres. Combien nous lui sûmes gré de sa décision si sage et si désintéressée. D'accord avec notre mère, il avait tenu à ce que tous ses enfants, même ses deux petits Joseph, portassent, en tête de leur nom, celui de Marie. Il avait proposé que les enfants disent « vous » à leurs parents, comme il l'avait vu faire chez lui, mais maman objecta que le « vous » étant plus distant, elle se croirait moins aimée, et il acquiesça aussitôt. Par affection, dans l'intimité, il nous donnait souvent des surnoms gracieux ou typiques. Marie, l'aînée, était le diamant et la bohémienne, par allusion à son esprit d'indépendance. Pauline, la perle fine, ensuite venait la bonne Léonie. J'étais moi-même l'intrépide. Quant à Thérèse, c'était, tour à tour, la petite reine de France et de Navarre, l'orpheline de la Bérésina, le petit hanneton blond, enfin le bouquet. Assurément, il était sous le charme de sa Benjamine. Notre mère dit elle-même avec complaisance, « Il adore cet enfant. Il fait toutes ses volontés. C'est pour lui faire plaisir qu'on frisait les beaux cheveux blonds de notre petite sœur. » Mais un précieux témoignage d'une ancienne domestique de mon oncle, devenue dans la suite religieuse bénédictine, réfute, au procès canonique, l'objection de ceux qui pensent que notre père la guettait. Elle déclare, Monsieur Martin était un excellent père et il élevait avec le plus grand soin tous ses enfants qu'il aimait toutes beaucoup. La servante de Dieu, qu'il appelait sa petite reine, étant la plus jeune, était l'objet de sa part d'une affection spéciale, mais qui n'ôtait rien au sérieux de son éducation. Il n'eût pas toléré qu'elle manquât en rien. Sans être sévère, il élevait tous ses enfants dans la fidélité à tous leurs devoirs. Je crois avoir donné la note juste, sur ce point, dans ma déposition au procès apostolique. Mon père avait des attentions toutes particulières pour sa dernière enfant, s'occupant d'elle comme le ferait une mère. Mais, s'il est vrai que la petite Thérèse fut, comme elle le dit, entourée d'amour, il est vrai aussi qu'elle ne fut jamais guettée. La preuve que mon père ne la guettait pas et qu'elle ne faisait pas ses volontés à la maison, c'est qu'elle se souvint toujours et qu'elle raconte dans son manuscrit comment elle fut fortement réprimandée pour ne pas avoir voulu se déranger de ses jeux premiers rappels de mon père. Un peu plus tard, à Lisieux, elle pouvait avoir 6 ans, elle mettait tout son bonheur à porter chaque matin le journal à mon père. Je voulus une fois le porter à mon tour, mais Thérèse, plus vive, s'en était déjà emparée, et comme j'en montrais du chagrin, papa reprocha à la petite Thérèse de ne pas m'avoir cédé et la gronda très fort. Si fort que j'en eus une peine extrême. On trouvera dans l'histoire d'une âme, d'autres traits qui montrent à la fois sa tendresse, et sa fermeté pour Thérèse. Elle a raconté, dans son manuscrit, comment, après la mort de notre mère, il l'entoura de la plus délicate sollicitude. Chaque jour, au sortir de la classe que lui faisait Pauline, elle montait au belvédère, portait sa rosette et sa note à son roi chéri. Sa joie était de lui crier, « J'ai 5 sans exception, c'est Pauline qui l'a dit la première. » L'après-midi, elle faisait avec lui sa promenade et une visite au Saint-Sacrement. Ce fut alors qu'il lui montra la chapelle du Carmel et la grille du chœur derrière laquelle se trouvaient les religieuses. Ensuite, dans le jardin des Buissonnets, elle sautillait autour de lui, elle lui faisait fermer les yeux et le conduisait jusqu'à ses hôtels merveilleux où elle s'écriait toute heureuse, « Papa, ouvre les yeux !»« Ah ! » écrit-elle. « Comment pourrais-je redire toutes les tendresses que prodiguait papa à sa petite reine ?» Il est des choses que le cœur sent, mais que la parole, et même la pensée ne peuvent arriver à rendre. Cependant, quand elle tomba malade au Buissonnet, menacée de mort, la résignation et la foi de mon père furent admirables, et c'est lui qui fit demander pour elle une neuvaine de messe au sanctuaire de Notre-Dame des Victoires, à Paris, y mettant son dernier espoir. Dans la prière de l'enfant d'un saint, Thérèse a évoqué cette prédilection paternelle, embaumée de parfums célestes. Rappelle-toi que dans le belvédère, tu l'asseyais souvent sur tes genoux, et murmurant alors une prière, tu la berçais par ton refrain si doux. Elle voyait du ciel un reflet sur ta face, quand ton regard profond se plongeait dans l'espace. Et de l'éternité, tu chantais la beauté, rappelle-toi. Chez nous, l'éducation avait comme principal levier la piété. Il y avait toute une liturgie du foyer, prière du soir en famille, mois de Marie, office du dimanche, lecture pieuse de la veillée, etc. Notre Père facilitait autant qu'il le pouvait notre vie spirituelle. C'est ainsi qu'il accompagna plusieurs fois Marie, afin de lui permettre de rencontrer son directeur, le révérend Père Pichon. À cette occasion, en 1886, il donna même à notre aîné une petite leçon. Ils étaient allés à Calais, puis à Douvres, attendre le bateau qui ramenait le religieux du Canada. Mais ni bateau, ni religieux, Marie se plaignit amèrement de sa déception. Il lui dit avec douceur, « Il ne faut pas murmurer, ma Marie, le bon Dieu a jugé que tu avais besoin de cette épreuve, et moi je m'estime heureux de lui avoir servi d'instrument en faisant avec toi ce voyage. » Notre vénéré Père écartait avec soin tout ce qui pouvait troubler nos âmes. Chaque jour, lorsque nous allions à une messe matinale, il nous recommandait de ne pas lever les yeux vers les étages des maisons, de crainte que, par les fenêtres ouvertes, nous n'apercevions des personnes faisant leur toilette, insuffisamment vêtues. Au cours de nos promenades à la campagne, s'il apercevait des jeunes gens qui se baignaient, il nous disait, « Regardez ailleurs, mes enfants, il n'aurait jamais supporté, ni pour lui, ni pour les siens, le manque de tenue, le débraillé. Nous n'aurions pas osé, devant lui, avoir des manches relevées seulement jusqu'aux coudes. Que dirait-il du monde actuel ? » Tout mot grossier était impitoyablement proscrit. À table, on exigeait un parfait maintien. Il ne fallait pas faire la moue devant ce qu'on aimait moins. Quand on ne mange pas de soupe, on n'a pas de fricot, disait gaiement notre père. En carême, il y avait quelques restrictions. Très exact lui-même, papa nous enseignait à ne pas remettre au lendemain ce que nous pouvions faire le jour même et à tout accomplir avec ponctualité. Il ne supportait pas que l'on fasse, même un sou de dette, il fallait tout payer comptant. Désirant nous voir toujours occupés, il cherchait à développer nos talents et veillait, dans ce but, à nous procurer nécessaires et superflus pour nos travaux d'art à l'aiguille ou au pinceau, fils spéciaux pour dentelle, coquilles d'or, feuilles d'ivoire ou de parchemin, pour les miniatures de Pauline. L'amour-propre était banni, même dans ses moindres manifestations. La notice sur Sœur Marie du Sacré-Cœur, publiée après sa mort, cite ce trait de son enfance. Une année, à la fin des vacances, comme Marie se promenait avec notre bon père, dans une modeste propriété de famille, du nom de Roulet, elle se mit à cueillir des fleurs en disant « Je vais emporter ces fleurs à la visitation, en souvenir de Roulet. » Et le cher papa de répondre finement « C'est cela, et puis tu feras, avec tes amis, de petits embarras en leur montrant des fleurs de ta propriété. » Très vexée alors, Marie se voyant deviner, jeta aussitôt son bouquet dans l'air pour montrer qu'elle n'y tenait pas. Notre père était, en effet, très psychologue, observateur, et d'une extrême finesse. Fidèle à ses opinions, il voulut confier notre instruction à des maisons chrétiennes, les aînés à la visitation du Mont et, plus tard, Léonie, Thérèse et moi aux bénédictines de Lisieux. À cette époque, les écoliens ne sortaient pas seuls, et les jeunes filles de notre milieu devaient être accompagnées. À vrai dire, c'était une servitude. Il fallait nous conduire le matin et venir nous chercher le soir, car nous étions demi-pensionnaires. Quelquefois, c'était la domestique, mais souvent on en demandait le service à papa, Il le rendait, cependant on voyait que c'était par vertu. Si on avait seulement des notes moyennes à nos études, il témoignait un certain mécontentement, et nous avions beaucoup de chagrin de le contrister. Il aimait l'ordre, lui-même le pratiquait très strictement. Lorsqu'on cassait quelque chose par étourderie, il montrait sa réprobation. Par ailleurs, il nous laissait la plus grande latitude dans le gouvernement de la maison, bien qu'elle fût livrée d'abord à une toute jeune fille, Marie, notre aînée, et plus tard à moi, vers le même âge. J'ai toujours remarqué qu'il évitait de s'immiscer dans nos affaires. Si nous avions commis quelque oubli ou quelque erreur, il paraissait ne pas s'en apercevoir, afin de ne pas nous rendre craintives et pusillanimes, selon le conseil de saint Paul. Enfin, il était grand non seulement de taille, mais en tout, beau et noble caractère, s'il en fut. Ce qui nous rendait parfaitement heureuses. Licence Creative Commons CC 3.0F, pas d'usage commercial, partage à l'identique, markendanarchive.org, d'après, phpbbserver.com/forum michael/monique.